طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله سورة الفيل وهي مكية بلا خلاف donc Cheikh Abu Amr il dit que sourate Al-Fil c'est une sourate mécoise ou descendue à l'air durant la période mécoise yani bila khilaf sans qu'il n'y ait de divergence sur le sujet. Naam. Wa ayy suratin يعني نزلت في عهد في العهد المكي بلا خلاف مما تقدم يعني c'est laquelle la sourate qui était descendue à l'ère durant l'ère mécoise parmi les sourates qu'on a vues sans qu'il n'y ait de khilaf dessus. Okay. الكوثر اذا جاء نو لا الفاتحه المسد نعم المسد تبت يدا نعم تبت يدا كذلك بلا خلاف نعم قال وعند قوله باصحاب الفيل يعني من هم اصحاب الفيل قال هو ابرها هو أبرهة ومن معه هو أبرهة ومن معه c'est-à-dire يعني أصحاب الفيل c'est la personne qui se nommait Abraha ainsi que ceux qui l'entouraient وأبرهة قيل أنه ملك في اليمن كان نصرانيا. Donc Abraha, c'était un roi qui se trouvait au Yémen à cette époque. Le Yémen était à tendance chrétienne. Naam. فهذا الملك يعني لما رأى الناس يعني ينشغلون بالحج كل عام إلى بيت الله الحرام يعني حسد ذلك ووجد في نفسه شيئا فبنى في صنعاء أو في اليمن بيتا تشبه الكعبة. Donc ce roi là lorsqu'il a vu que les gens ils n'arrêtaient pas de faire le hajj chaque année à la maison sacrée d'Allah Azza wa Jal, qui est la Kaaba, il a été pris de jalousie pour ce fait-là et il s'est mis à construire une maison que lui-même a voulu rendre sacrée. Et plus tard, il a ordonné les gens à venir faire un pèlerinage à cet endroit. Et il voulait par ainsi faire en sorte que les gens délaissent la Kaaba. Il voulait par ainsi faire en sorte que les gens délaissent la Kaaba. فلما سمعت العرب بهذا المكر يعني غضبوا غضبا شديدا et lorsque les arabes ont entendu cette affaire c'est-à-dire que maintenant des gens ils vont faire le pèlerinage ailleurs que بيت الله الحرام فils se sont énervés il y en a un parmi eux qui est parti jusqu'à cette maison qui a été construite ماذا في اليمن et il s'est mis dans un coin de cette maison puis après il a fait ses besoins ensuite il a pris ses excréments et les a répandus sur les murs de cette maison فلما سمع بالخبر هذا الملك يعني غضبا شديدا وجهز هذا الجيش العظيم فهذا مما ذكره الإمام ابن كثير في بداية والنهاية يعني في كتابه حول التاريخ الإسلامي. Donc le roi quand il a vu cet acte ou quand il a entendu parler de cet acte, il s'est énervé d'une grande colère jusqu'à il a préparé une grande armée pour aller effacer la Kaaba. نعم. فتعاون معه ملك الحبشة. Et le roi de Habasha, l'Abyssinie, c'est-à-dire l'Éthiopie actuelle, il a aidé cet homme-là pour regrouper une grande armée. فيذكرون أنهم أتوا بفيلة يعني عظيمة. Ils sont venus avec un grand éléphant, yani énorme. نعم. Et avec des junoud, لا قبل للعرب يعني لهم يعني ما استطاعوا ما كانت العرب تستطيع أن تدافع عن أنفسهم. Et les Arabes ne pouvaient pas combattre cette armée qui était beaucoup plus nombreuse qu'eux et beaucoup plus forte qu'eux. حتى لما تقربوا من مكة إيش فعلوا أهل مكة خرجوا من مكة. Ça veut dire que tellement là, ils ont eu peur et ils sont sortis de Mecca, comme a évoqué cela l'imam Sa'di dans son tafsir. Naam. Donc Abraha huwa malikun fil Yaman nasrani. Naam. طيب وعند قوله كيدهم عند قوله كيدهم اي ما ارادوه من هدم الكعبة. Et au sujet de la parole, leur ruse, yani, c'est-à-dire leur ruse qui concernait le fait qu'ils voulaient détruire la Kaaba. Ma aradu min hadmi al-Kaaba. Wa inda qawlihi tadlil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Ma ma'na tadlil? Ay ibtal wa tadyi' wa fashal. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de leur ruse un échec. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de leur ruse un échec. وعند قوله أبابيل طيرا أبابيل يعني أبابيل ما معنى؟ أي جماعات. الشيخ أبو عمر يقول جماعات. والإمام السعدي يقول متفرقة. والشيخ العثيمين يقول جماعات متفرقة. نعم. تمام جماعات متفرقة. طيب دونك لا يدي جماعات تدير دي غروب ان غروب دي زوزو ان غروب. الشيخ الإمام السعدي لو يدي متفرقة ديفيزي. Donc, Cheikh Abu Amr, il dit que c'est des oiseaux qui étaient en groupe. Et Cheikh l'imam Sa'di, il dit « mutafarriqa », c'est-à-dire divisés. Ils étaient divisés. طيب, Cheikh Al-Uthaymin, il dit « يعني جماعات متفرقة ». C'était des groupes d'oiseaux divisés. مفهوم ? وهذا هو أوضح وأليق. نعم. طيب. Donc c'est mieux de choisir ce tafsir là. Wallahu ta'ala a'lam. Il y a des oiseaux en groupe mais divisés. Yani مثلا ثلاثة ثلاثة هنا. Yani خمسة أربعة هنا. وستة هنا. وستة كذا. فهمتوا؟ يعني جماعات متفرقة. Des petits groupes. نعم. من سجيل وعند قوله من سجيل أي طين محروق متحجر يعني de l'argile, c'était de l'argile brûlée en terre cuite, يعني argile brûlée ou متحجر. كيف ترجموه في القرآن؟ Argile, bas. Oui. Pierre d'argile. Pierre d'argile, oui. Ouais, c'est ça. Moutahadjir, c'est qui devient de la pierre dure. Donc, c'est de l'argile brûlée يعني كي كي prend l'apparence d'une pierre dure. نعم. طيب كعصف مأكول. وعند قولي كعصف مأكول أي كزرع أكلته الدواب. C'est-à-dire comme un champ dont a ou dont s'est nourri les bêtes. فراثته فيابسة. C'est-à-dire après que les bêtes aient mangé de ce champ, il est resté ainsi pendant une longue période. Jusqu'à il a ce champ, jusqu'à ce que il a séché. وتفرقت أجزاؤه. Et ces différentes parties se sont divisées. Les différentes parties de ce qui restait de ce champ. نعم. نعم. فهذا هو يعني تفسير الشيخ لهذه السورة العظيمة. وإذا تأملتم فهذه لها علاقة مع السورة التي تقدمت. Donc cette سورة elle a un lien avec la sourate qu'on a vu précédemment. Mahou. C'est la suite de la sourate précédente. Tu peux dire que c'est la suite, tu peux dire que c'est. Ça dépend comment tu prends le Coran. Mais dans tous les cas, elles sont liées, ces deux sourates. Mais elles sont liées par rapport à quoi ? Les sourates à Quraysh, Allah, il nous dit les bienfaits qu'il a éloigné de Quraysh le chemin. نعم يعني نعم لأن في سورة الفيل سورة قريش الله سبحانه وتعالى يمن على هذه القبيلة أنه جعلهم آمنين ها جعلهم آمنين ومن ضمن يعني ما يعني رأوا من الأمن هذا الحفظ العظيم et parmi les choses يعني الله سبحانه وتعالى dans سورة قريش Il vante ses mérites lorsqu'il les a mis ou il dit qu'il les a placés en sécurité. Hein? Il les a placés en sécurité. Et fait partie de la sécurité qu'il ait éloigné Mada, les ennemis qui voulaient détruire leur maison et détruire en premier lieu la maison sacrée. Naam. Fahem Tom? Naam. وكذلك مما ذكروا العلماء وهذه فائدة عظيمة لأن لما تفكر في القرآن تتعجب مما تستنبط من الأشياء والعلماء ذروة في الاستنباط donc يعني استقبي des versets du Coran certaines sagesse. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais les ulama, c'est eux vraiment à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné une compréhension et une réflexion vraiment énorme. Et parmi les points qu'on peut tirer de cette sourate, comme ont évoqué certains ulama, comme le Cheikh Al-Uthaymeen ou comme le Cheikh l'imam Sa'di, Allah subhanahu wa ta'ala, limadha hafadha hadha al-balad? Liannaha fi dhaka al-zaman, كانت الجاهلية أليس كذلك؟ هذا دعاء إبراهيم دعاء إبراهيم طيب لكن شوف دعاء إبراهيم هل لها وقت محدود؟ أسكو إبراهيم إلى في إلى إلى demandé à الله que الله يprotège ou qui rende les gens de cette ville amini تمام لكن أسكو cette دعاء elle va durer jusqu'à la fin des temps؟ elle va être détruite طيب فبخوا الآن الله سبحانه بخوا في آخر الزمن الله سبحانه وتعالى يخليها تهدم وبخوا لا إلى دافع أحسنت في التجهيز لما سيحصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم متى ولد لبخوة صلى الله عليه وسلم كان يوم ولا عام عام الفيل Le prophète صلى الله عليه وسلم est né dans cette époque. فالعلماء يقولون أن هذه من بشارة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومقدمة دعوته. C'est le premier signe de sa da'wa. Cette affaire-là, c'est le premier signe de sa da'wa. فلما تتأمل هذه السورة وهذا الفائدة الجليلة ترى أن يعني أن الإنسان في الحقيقة ما له كبير شيء يعني الله quand tu médites ce genre de sourate tu vois que la personne elle ne maîtrise pas son risque elle ne maîtrise pas sa sécurité elle ne maîtrise rien de tout ça كل شيء بيد من بيد الله عز وجل Allah subhanahu wa ta'ala il les a pas rendus aminin parce que c'était pour eux il les a pas rendus aminin il les a pas rendus en sécurité pour eux إنما لرجل واحد سيخرج من منه هذا الدين الذي نستمتع فيه لرجل واحد الله سبحانه وتعالى هزم هذا الجيش العظيم لرجل واحد pour une seule personne الله سبحانه وتعالى il a défendu ce bilad لما سيحصل بعد ذلك من تمكين وابو بكر وعمر وعثمان وكل من يعني نفع هذا الدين نفعا عظيما الله سبحانه وتعالى قبل مجيئهم قبل أن يولدوا هذا قبل مجيء محمد قبل أن يأتي في هذه الحياة قبل أن يولدوا الله سبحانه وتعالى مهد لهم الطريق الله سبحانه وتعالى il leur a préparé déjà le terrain فالإنسان لا ينظر إلى الأسباب الحسية فلا بيرسون elle doit pas regarder vers les أسباب الحسية أنا لابد أن أشتغل وأفعل وأفعل وذا وذا وذا ما تعرف أنت وين مصلحتك ما تعرف أين مسيرك ما تعرف هذا مثلا واحد يريد يخرج من هذا البلد ويعتمد اعتمادا على الأسباب يعني يسبوز sur ses causes لا يعتمد على الله عز وجل إنما يريد يخرج ودا من شغل إلى شغل من عمل إلى عمل ومن دا ودا وإذا به ما تراه خارج et tu vois qu'il est pas il arrive pas à sortir أما بعض الأخ يعني إخوان مساكين ما عندهم شيء دعاء قيام الليل صيام عبادة قراءة القرآن وكذا وكذا وإذا بهم حالتهم تتيسر بل هذه لابد نجعل هذا نصب عين عيوننا on faut qu'on mette ça devant nos yeux que cette vie là elle est كلها بيد الله عز وجل ويفعل ما يشاء وهو الذي يعني قد وعد بالإجابة عند الدعاء الله سبحانه وتعالى c'est lui qui nous a promis qu'il allait nous répondre si on l'invoque avec إخلاص وصبر على الدعاء فالشخص النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلا il y a un homme qui est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit ya rasulallah inna hadha akhi ma yashtaghil wa yajlis min as-sabah ila al-layl fi al-masjid ha wa ana ashtaghil wa at'ab wa kadha wa kadha wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala la inma la'allaka turzaq bih yani il se peut que ton risque que tu gagnes là aujourd'hui c'est même pas par rapport à la sueur de ton front Mais c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'honore par rapport au fait que t'honore cet homme-là. Ou que cet argent-là, il va être utilisé par cet homme-là. Wa huwa risq. Qalu al-ulama, talab al-ilm, a'azam as-sabab al-risq. Ma honak, shay, yani a'azam. Là, faut pas se, yani, que, yani, l'afkar t'adkhul fi hadha al-kalam. Faut pas que les pensées, elles viennent dans ce genre de kalam. Hein? بس هذا كلها معتمد على كتاب وسنة الأنبياء أتوا إلى أقوامهم لا نسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله بعضهم قالوا كذا بعض الأنبياء ils ont dit non on veut même pas de vous un salaire notre salaire il est comme à qui Allah عز وجل ما هو على شركة فلان ولا شركة الله عز وجل فطلب العلم يعني هذا له صلة مع ربه ها له صلة مع الله عز وجل يعني مهما يتقدم في طلبه الله سبحانه وتعالى يعينه أما تذكرنا يعني آيات أو حديث أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب هل هذا لغيرهم Est-ce qu'on a vu un dalil qui dit cela pour autre que les toulab al-ilm? Comme quoi les anges, ils viennent, ils déposent leurs ailes pour celui qui recherche la science, en guise d'agrément envers ce qu'il recherche. Ma honak. Wallahi, qad ra'ayna unasan fi al-Yaman ou fi al-Saoudiya, ma ma'oum shay. Ma yishtaghiloun. Wa ma hadha, hayatuhum mutayassara. Hayatuhum mutayassara, jiddan. Jiddan. وهذا من عند الله عز وجل. الآن مثلا واحد قام على يعني نفقة لطلاب العلم، الشيخ ابن باز والشيخ الشيخ العثيمين والشيخ يعني عدة مشايخ، هل خسر شيء؟ celui qui a aidé par exemple الشيخ العثيمين، parce que il faut savoir que les علماء في السعودية وفي اليمن معينون إما من قبل الدعوة الدولة ou imma min qibal ba'd al fa'ilin al khair. Donc ça veut dire que les ulama, peu importe qui soit, ils ont été beaucoup aidés, soit c'est par la daoula, ou soit c'est la daoula, c'est par le gouvernement, comme en Arabie Saoudite c'est le cas, ou soit c'est par des gens riches qui les aident ou la na'am. Fa haoula an-nas alladhina yani ta'awanu ma'a haoula al-ulama. Allah subhanahu wa ta'ala sayyarahum. Il y a un hadith, et ça c'est un hadith authentique, qui dit que celui, yani Allah subhanahu wa ta'ala, il place dans les mains d'une personne, yani ma yanfa'u ghayra. Il place dans les mains d'une personne ce qui va être utile pour autre que lui. Et une fois que cette personne-là, elle s'arrête, Allah subhanahu wa ta'ala, il le remplace par quelqu'un d'autre. Ah. الأمور ما هي بيده بيد الله عز وجل الله يفعل ما يشاء الله يفعل ما يشاء تعين أخاك فحمد لله هذا يرجع إليك ما تعينه غيرك سيعينه والأمور تمشي المجتمع تحتاج إلى أطباء تحتاج إلى مهندس تحتاج إلى يعني عدة أناس أما تحتاج إلى علماء C'est-à-dire la communauté, elle a besoin de médecins, elle a besoin d'ingénieurs, elle a besoin de ceci, elle a besoin de cela. Mais elle n'a pas un plus grand besoin de ulama. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qad basharana anna aw hadharana anna fi akhir az-zaman al-ulama sayaqillun. Que les ulama, les gens en science, ils vont diminuer. Ça veut dire que la communauté elle a plus encore en besoin de ulama. Na'am. فالإنسان إذا وفقه الله لشيء من طلب العلم لا يضيع هذا الخير. Il ne faut pas que celui qu'Allah lui a accordé يعني طلب العلم le fait de rechercher la science يضيع ce خير il part après العمل ويشتغل من هنا وهنا وخلاص ما في مراجعة القرآن ولا في قراءة في كتاب ولا في نفع ولا في درس مع الأهل ولا مع الإخوة ولا نص ولا نصيحة ولا شيء من ذلك. ليش؟ أنا أبحث عن المعاش وأنا كذا وكذا. ما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. نعم. فهذا هو ويعني لو ربما غدا سنقرأ من تفسير الشيخ العثيمين لأنه تفسير نفيس جدا جدا. وإلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك. وفيكم.